on va dire, de la politique. Il y a une semaine, on a rassemblé 400 journalistes. C'était absolument unique. Ce n'était jamais arrivé. Au Mont des Arts, pour dénoncer les assassinats ciblés, volontaires, invraisemblables, inadmissibles, de journalistes palestiniens, sachant que les journalistes occidentaux et les journalistes du monde entier sont tous interdits d'accès, interdits de couvrir les événements à Gaza. Donc on veut vraiment empêcher le monde de connaître l'horreur du génocide en cours. Ça nous a décidé, au vu du nombre d'enfants assassinés systématiquement, tous les jours, on avait décidé de faire cette manifestation de lecture du nom des enfants. On était à 16 500, on est à 17 800. Il faut donc que ça s'arrête sans délai et que nos autorités décident enfin de prendre les mesures et les sanctions nécessaires. Un pas a été fait cette nuit, mais ne nous illusionnons pas. Cette dite reconnaissance est sous condition, des conditions qui ne pourront pas être remplies d'ici l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est donc une demi-mesure. Sur ce, on va commencer la lecture du nom qui va prendre toute la journée, puisqu'on commence maintenant et on terminera à 19h ce soir. Mohamed Okacha, 2 ans. Tala Al-Khatib, 2 ans. Kenan Al-Kalout, 2 ans. Miskarim Al-Hashi, 2 ans. Nour Magari, 2 ans. Omar Aboucharia, 2 ans. Saïd Abou Al-Umrem, 2 ans. Anas Al-Najjar, 2 ans. Abdel Daoud Al-Alissi, 2 ans. Najma Al-Sayed, 2 ans. Anas Al-Khatib, 2 ans. Nasma Al-Mukayed, 2 ans. Imad Farwana, 2 ans. Abdelkadir Awad, 2 ans. Lara Al-Elou, 2 ans. Ania Barakat, 2 ans. Sila Amouda, 2 ans. Salma Abou Al-Ola, 2 ans. Mohamed Ibrahis, 2 ans. Amada Sharab, 2 ans. Ahmed Abou Taha, 2 ans. Jinan Rachwan, 2 ans. Mouafak Bark, 2 ans. Maria Abou Nars, 2 ans. La parole est à Mourad Boussif. Tim Al-Aqad, 2 ans. Nazma Latif Harifayad, 2 ans. Omar Koulab, 2 ans. Abdel Mansour Sobh, 2 ans. Elaf El Astar, 2 ans. Mustafa Jarbo, 2 ans. Jihad El Maghrabi, 2 ans. Karim Ayesh, 2 ans. Amil El Al-Kataros, 2 ans. Youssef Abdel Haddi, 2 ans. Rakan El Haddi, 2 ans. Karam Jabir, 2 ans. Zina Jinnah, 2 ans. Oussama Salem Daoud, 2 ans. Abdel Ahmed Al-Hijal, 2 ans. Mona Kassou, 2 ans. Harif Al-Jourouf, 2 ans. Linda Al-Sharki, 2 ans. Revan Ter, 2 ans. Ala Al-Din Al-Kilan, 2 ans. Asir Aboul Tara, 2 ans. Iz Fatih Radouane, 2 ans. Jadir Mansour, 2 ans. Sarah El-Mahed, 2 ans. Shem Abou Jassar, 2 ans. La parole est à Lizad Boyd, qui est chorégraphe. Amr Tabet, 11 ans. Lynn Baloucha, 11 ans. Zain Hamoud Al-Jahal, 11 ans. Widad Al-Assoumi, 11 ans. Hamoud Al-Jahal, 11 ans. Ali Al-Assayena, 11 ans. Maria Al-Najjar, 11 ans. Ahmed Abou Sultan, 11 ans. Mohamed Souleyman, 11 ans. Mustapha Souleyman, 11 ans. Maram Shahada, 11 ans. Fatima Saleh Zamel, 11 ans. Maha Al-Sahwaf, 11 ans. Janat Abou Kouloub, 11 ans. Mohamed Hassan, 11 ans. Nadia Zaida, 11 ans. Ahmed Salem Deheb, 11 ans. Amir Mushtaha, 11 ans. Mustafa Hazab Hala, 11 ans. Swahir Abu Aja, 11 ans. Abdel Hussein Ali, 11 ans. Abdullah Hussein Ali, 11 ans. Dina Salma, 11 ans. Maria Abed, 11 ans. Wassim Al-Ghafri, 11 ans. La parole est à Rudy Galindo, qui est directeur de théâtre. Shahid Hania, 11 years old. Hala Jundia, 11 years old. Yamen Al Khatib, 11 years old. Radwan Abdo, 11 years old. Hamza Jarada, 11 years old. Ahmed Habib, 11 years old. Malik Mohammed Ouda, 11 years old. Mayar Al Hatto, 11 years old. Zuhwar Al Bahitini, 11 years old. Dania Al Hassana, 11 years old. Hussein Abu Hasira, 11 years old. Omar Gaben, 11 years old. Mohanad Ichim, 11 years old. Firas Kela, 11 years old. Abdel Abu Warda, 11 years old. Nada Salma, 11 years old. Hussein Al Ramlawai, 11 years old. Lian Al Zahir, 11 years old. Abdel Jawad Hassan, 11 years old. Dima Abu Warda, 11 years old. Mohammed Yuri, 11 years old. Mohammed Kamiz Jibrin, 11 years old. Shad Karim Rajab, 11 years old. Adam Al Harabiti, 11 years old. Yamen Al Shawa, 11 years old. May your names be a prayer from my lips, a reminder to your ears. La parole est à Marussia Kleb, autrice jeunesse. Kaïs Al-Manama, 2 ans. Elaf Al-Manama, 2 ans. Dalal Al-Manama, 2 ans. Sami Salout, 2 ans. Liane Jargoun, 2 ans. Omar Abou Sharkia, il avait 2 ans. Johan Al-Kafarna, 2 ans. Rani Al-Nairab, 2 ans. Mohamed Saad, 2 ans. Rassel Abou Mohammar, 2 ans. Mohamed, 2 ans. Tehem Massoud, 2 ans. Mohamed, 2 ans. Rafik Ajajal, 2 ans. Bara Abou Daka, 2 ans. Ahmed Al-Kurd, 2 ans. Omar Al-Nahal, 2 ans. Jouri Farage, 2 ans. Sham Al-Khatib, 2 ans. Ragat Shakura, 2 ans. Fadel Al-Najjar, 2 ans. Aïcha Al-Khor, 2 ans. Walid Ahmed, 2 ans. Salma Jabbar Al-Shanbari, 3 ans. Mohamed Drabia, 3 ans. Firia Jar. La parole est à Fionn Trock, qui est réalisatrice. Jaja Al-Nahal, 16 years. Ahmed Al-Zazou, 4 years. Yamen Hamad, 15 years. Alul Kaud, 7 years. Tahani Hafiz Barbak, 3 years. Yaken Al-Turk, gestorven voor zijn geboorte. Rawa Kasim Al-Astal, 5 years. Moutaz Abu Naim, 14 years. Izzedine Zino, 8 years. Omar Al-Dadou, 11 years. Rama Abu Eida, 13 years. Hala Abu Steita, 7 years. Hamza Abu Suher, 1 year. Mahmoud Abu Salmiya, 6 years. Ibrahim Al-Makouzi, 12 jaar. Mohamed Salah, 5 jaar. Mohamed Atia, 17 jaar. Malik Abu Nasira, 9 jaar. Ahmed Al-Sweisi, 12 jaar. Iman Shahin, 2 jaar. Youssef Hamdan, 6 jaar. Mouad Abu Al-Jedian, 3 jaar. Mahmoud Abdel Kafour, 14 jaar. Zaid Abu Shakyam, 12 jaar. Albara Akel, 4 jaar. Walid Abu Touraya. La parole est à Jean-Marie Piem, qui est dramaturge. Ouday Hassan, 11 ans. Yamen Chaban, 11 ans. Alma Skeik, 11 ans. Walid Saïk Al-Nono, 11 ans. Afnan Asuna, 11 ans. Jima Al-Askar, 11 ans. Malak Al-Samri, 11 ans. Mohamed Takmash, 11 ans. Bara Abouzour, 11 ans. Oud Dakmash, 11 ans. Mounir Al-Arer, 11 ans. Abdel Mohamed Kela, 11 ans. Tala Talesh, 11 ans. Ali Awad, 11 ans. Samaher Rahman Kela, 11 ans. Abdel Khaled Awad, 11 ans. Ali Awad, 11 ans. Soua Abou Dalfa, 11 ans. Mervat Al-Danar, 11 ans. Tala Al-Skowaki, 11 ans. Noura Al-Smasri, 11 ans. Abdelrahman Shreim, 11 ans. Lynn Abou Kweik, 11 ans. Abdel Bachir Al-Mazabi, 11 ans. Shaima Awad, 11 ans. La parole est à Nadia Viejo-Zapico qui est. Tu peux le présenter. Qui fait partie du gang des vieux en colère. Anas Achour, quelques mois à peine. Mohamed Abou Kachef, 17 ans. Maria Al-Shrafi, 7 ans. Cham Abou Achoua, 7 ans. Ranem Abou Malak, 16 ans. Maria Salia, 2 ans. Fatima Al-Bait, 8 ans. Firas Al-Kinawi, 7 ans. Yazan Al-Attar, quelques mois à peine. Malak Al-Ramlaïa, 10 ans. Sat Mouchtaha, 11 ans. Habiba Aoukal, 5 ans. Samira Ijazi, 3 ans. Faris Aboushar, 13 ans. Nazer Al-Ghazali, 4 ans. Firiel Aboushouda, 16 ans. Allah Aboussada, 14 ans. Mouchir Mahmoud, 17 ans. Mohamed Aboukmel, 9 ans. Ibrahim Ishak Abed, 1 an. Jihad Jargoun, 3 ans. Ahmed Abou Rama, 12 ans. Nidal Abou Sanjar, 15 ans. Jourad Khera, 6 ans. Iklas Adouane, 2 ans.